Chapitre 13. Jour 1. Suite. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je vais dormir chez Morbus Delacroix, dans son repère, dans ce lieu incroyable au cœur des montagnes, ce lieu où il s'est retiré du monde. Il a accepté de m'héberger, moi, la petite étudiante. Son stylo courait avec un léger bruit de grignotis sur le papier du grand carnet dont la fermeture était à combinaison. Judith avait une écriture ronde, fluide, légère. Le genre d'écriture qui, selon les experts, traduit une personnalité accueillante, une forme de délicatesse et de discrétion. « Tu parles ?» Elle écrivit « Et si j'étais le petit chaperon rouge dans la tanière du loup ?» Qui viendra à mon secours s'il est non seulement aussi barré et génial qu'on le dit, mais en plus un gros pervers amateur de chair fraîche? Sa meuf ne me paraît pas non plus très équilibrée. Brusquement, une vision s'interposa entre le carnet et elle, le tag dans les toilettes de la station-service. Puis une autre, la croix inversée, gravée sur l'arbre, avec ses initiales. Tous ces messages qui lui étaient destinés. Elle se demanda s'il y avait une caméra cachée quelque part. Elle avait vu ça dans Bloody Games. Une caméra planquée dans le pommeau de la douche, une autre au-dessus du lit de la chambre d'amis et une troisième dans les WC. Elle regarda autour d'elle la chambre aux teintes mauves, blanches et roses bonbons, où de courtes bûches chantaient dans la petite cheminée, où autour de la fenêtre de lourdes tentures coupées dans un tissu d'apparence luxueuse isolaient du mauvais temps. Où tout était fait pour entourer les invités de chaleur et de douceur. Il y avait même un lit à baldaquin. Pour mieux l'endormir? Arrête ta parano, tu sais pourquoi tu es là, non? Tu as réussi à entrer. Maintenant, tu dois te demander par où commencer. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Elle jeta un coup d'œil à l'heure affichée sur son portable. Merde, il faut que je descende. Ils m'attendent pour le dîner. Je n'ai pas encore vu le moindre personnel de maison à propos. Ça m'étonnerait que ce soit eux qui fassent la cuisine et le ménage. Elle sauta hors du lit, se lança un dernier regard dans le miroir de la petite salle d'eau et sortit. Elle suivit le couloir jusqu'à l'escalier en bois verni, dont les marches craquèrent discrètement sous ses pas. Elle évita de descendre trop vite et trop bruyamment. « Pourquoi ? Parce que tu as peur de déranger ? De ne pas être à ta place ici ?» Des voix en bas. Celle de Morbus et d'Artemisia. Elle était encore trop loin pour capter quoi que ce soit. Aussi descendit-elle quelques degrés supplémentaires, allégeant instinctivement sa démarche. « Dis donc, ça ressemble à de l'espionnage, ça, ma grande. Tu joues à quoi, là? On est en train de dépasser le stade du simple travail de recherche. » « Tu as confiance en elle ?» Voix d'Artemisia en bas. La question la fit sursauter et s'arrêter, tout autant que la voix dure, métallique, qu'il avait posée. Elle s'immobilisa à mi-hauteur de l'escalier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Voix de Morbus. « Tu ne trouves pas bizarre qu'elle débarque comme ça chez nous, soi-disant pour écrire sa thèse ? Et si c'était une de ces fans freaky, tu y as pensé ? Qu'est-ce que ça change ? Demain, elle sera partie. » Un silence. Ou pire, si elle cherchait autre chose. Autre chose? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien de quoi je parle.